Vous écoutez? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL de 89.1 sur le poste radio. Et salutations à celles et ceux qui sont sur la toile avec nous à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin, microphone, heureux de vous retrouver ce soir autour de projets à l'enseigne du field recording, expression anglaise largement utilisée pour désigner à l'origine la prise de son à l'extérieur du studio, dans la nature, en milieu urbain, sur la mer, en somme, en tout lieu, afin de rapporter l'état sonore d'un environnement ou d'un milieu, qu'il soit familial, écologique, linguistique. On utilise parfois le terme phonographie pour désigner tout ça, mais le terme field recording demeure en usage. Et on retrouve à travers l'histoire récente toutes sortes de projets issus de ces preneurs de son hors studio, motivés par leur métier d'ethnographe, de musicologue, de linguiste, de scientifique et bien sûr d'artiste. Ce que je trouve fascinant et ce que j'aime parmi tout ce potentiel de prise de son sur le terrain, et au-delà de ces aspects documentaires, biographiques ou encore artistiques, ce sont les histoires qui motivent et accompagnent cette pratique de la prise de son hors studio, sur le terrain, avec tout le matériel nécessaire pour capturer, enregistrer. Bon, une affaire de microphone, certes, mais surtout une affaire de grande imagination, vous allez voir. Et c'est ce que je vous propose à l'écoute ce soir, quelques projets de field recording dont l'objet et le motif sont, ma foi, plutôt éloquents, foisonnants en matière d'imaginaire. Comme ce projet, pour débuter la soirée, réalisé par l'artiste danois Jacob Kierkegaard, qui a consacré sa carrière à explorer les aspects les plus sombres de l'expérience humaine, le gaspillage, la guerre, la destruction. Je vous présente donc des extraits de deux projets d'actualité qui sont, ma foi, très saisissants. D'abord, un projet intitulé « Through the Wall », composé d'enregistrements sonores réalisés en Palestine, des deux côtés de la barrière israélienne de Cisjordanie, ce réputé mur de béton de 8 mètres de haut, connu sous le nom de « mur de l'apartheid ». Kierkegaard a utilisé des microphones ambiants et des capteurs de vibrations placé directement sur le mur pour recréer tout ça dans le contexte d'une installation à teneur, vous vous imaginez bien, teneur réflexive présentée à la Biennale de Sydney. On était à ce moment-là en Australie, 2018. Alors, on écoute ça. Bon, je poursuis dans cette veine des travaux de Jacob Kierkegaard. Il s'est aussi intéressé au mur frontalier qui sépare les États-Unis et le Mexique. Et contrairement au mutisme du mur israélien de l'apartheid, Kierkegaard constate que la clôture américaine produit elle-même autant de bruit que son environnement. J'ouvre les guillemets, il dit « Lorsque j'ai placé ces capteurs sur la clôture, j'ai pu entendre comment les sons environnants la faisaient résonner et générer des tonalités presque comme une harpe », explique-t-il. Kierkegaard a donc parcouru 965 kilomètres le long du mur avec la violoncelliste Marielle Roberts et ensemble, ils ont transformé la clôture en un vaste instrument de musique. Aussi intimidant que puisse paraître un mur, raconte Kierkegaard, il fait piètre figure dans le paysage. Il tremble, il grince, il vacille et finira, dit-il, avec le temps, par s'effondrer. Alors, je ferme les guillemets. On écoute l'œuvre qui en résulte, intitulée « Traverse ». C'est une composition de Jacob Kierkegaard qui mêle le violoncelle de Marielle Roberts aux subtiles vibrations internes du mur séparant les États-Unis du Mexique. Très beau projet. On écoute ça. Bon, c'était le magnifique projet de Jacob Kierkegaard et de Marielle Roberts. Le projet que je vous présente maintenant s'intitule Streets, Subway and the Radio. Un magnifique projet réalisé par l'artiste sonore Sid Frank, un artiste sonore montréalais qui compose des œuvres sonores minimalistes en intégrant des field recordings, des archives sonores personnelles, des extraits d'émissions radio à MFM et ondes courtes, ainsi que des extraits d'une vaste collection de cassettes et de vinyles. Un artiste pas très connu, mais franchement très inspirant. Sid Frank a parcouru le monde, la Chine, l'Inde, le Japon, pour le travail, l'art, la vie. Musicien dilettante au saxophone et grand amateur de musique, il va se mettre à la composition musicale après avoir téléchargé une application de synthétiseur sur son iPad. Il va donner son premier concert en 2014. Il a à ce moment-là 59 ans. Des concerts et des performances dans lesquels il va intégrer des phonographies et des extraits radio de toute nature. Parmi ses créations les plus illustres, on compte Beijing 1988, qui a consisté à recycler la trame sonore d'un film VHS réalisé par l'artiste lors de son premier séjour à Pékin en 88. Mais ce soir, j'ai plutôt choisi de vous faire entendre un projet réalisé à Montréal. On est en 2019. L'album s'intitule Streets, Subway and the Radio, un album qui présente très bien l'esprit qui anime le travail sonore de Sid Frank, qui superpose admirablement captation originale de la ville, de la campagne et du monde radiophonique à des vagues de synthétiseurs aux allures, vous allez voir, plutôt fantomatiques. Alors, Sid raconte que les enregistrements électroniques ont été réalisés à Montréal et à Ottawa entre 2017 et 2019 et que les enregistrements de terrain proviennent du Mexique, de la Thaïlande, de la Chine et de Montréal. Alors, on écoute un extrait intitulé « Les étranges grenouilles » de Samug. Yes. Eh bien, on vient d'entendre un extrait de l'album Streets, Subways and the Radio de l'artiste montréalais Syd Frank. Quand on parle d'histoires merveilleuses associées aux captations hors studio, phonographie, field recording, celle que nous offre l'artiste sonore et cinéaste canadien Joshua Bonetta est plutôt éloquente. Je vous raconte l'histoire. Pendant une année complète, Bonetta enregistre un arbre, un pin solitaire dans le nord de l'État de New York, pendant plus de 8000 heures d'enregistrement. Et les quatre plages sonores qui en résultent sur l'album, intitulé The Pines, est le fruit d'une minutieuse sélection des moments forts de la captation. Chaque plage de l'album correspond à une saison. Le résultat est hyper réaliste, raconte le journaliste Matthew Blackwell. J'ouvre les guillemets, il dit « La faune sauvage se presse autour des microphones jusqu'à ce que la pluie ou la neige les chasse. C'est un véritable best-of de la forêt. » Je referme les guillemets. Je souligne que l'album est accompagné d'un essai de l'écrivain naturaliste Robert McFarlane et d'une préface du conservateur Jake Moore autour de cette belle question que pose le philosophe Berkeley au 18e siècle, à savoir « L'arbre qui tombe dans une forêt sans que personne ne soit là pour l'entendre, fait-il du bruit? » Alors, je vous laisse réfléchir à ça en écoutant un extrait du projet « The Pines » de Joshua Bonetta. Eh bien voilà ce qui complète la première demi de l'émission. Restez des nôtres, on poursuit ces balades sonores inspirées de captations et de phonographies hors studio après un bref battement promo. À tout de suite. Vous écoutez CKRL. Radio. Vous écoutez La Croche Oreille. Alors, on est de retour, vous écoutez La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1. Gaëtan Gostin au microphone. On se retrouve ce soir autour de projets sonores d'artistes inspirés par la pratique du field recording, une pratique communément réalisée avec micro et enregistreur pour capter du son hors studio en prise de son direct sur le terrain. Cela dit, que se cache-t-il derrière cette manière de faire de l'art? Eh bien, je dirais simplement des motivations extraordinaires et multiples, associées parfois à l'idée de documenter le réel, d'appeler à sa transformation, ou bien tout simplement de le transcender pour faire œuvre de fiction. Pour l'émission de ce soir, je me suis intéressé aux histoires à la source de ces projets de captation sur le terrain. Des histoires parfois étonnantes, mais toutes assez fécondes sur le plan de l'imaginaire. Comme ce voyage que font les artistes Pablo Disserens et Ludwig Berger dans la vallée d'Onsernon en Suisse, voyage durant lequel ils font la découverte d'un document de quelques feuilles dactylographiées signées basalte et constituées de réflexions sur le son, l'écoute et l'empreinte sonore. Je vous donne des exemples. Jusqu'où un son me pénètre-t-il avant de s'estomper? Mon corps peut-il constituer un appareil d'enregistrement et mes os un réceptacle sonore? Disserens et Berger découvrirent que Basalt quitta l'Allemagne pour échapper aux nazis avant de s'installer en Suisse. On est dans les années 50. C'est là que Basalt émet l'hypothèse que les ondes sonores laisse des traces dans la matière, y compris dans notre propre corps. Disserens et Berger racontent que c'est à partir de cette hypothèse que Basalt développe une oreille fine et une relation profonde avec l'environnement, nourrie par les premières théories de la bioacoustique, de la psychoacoustique et de l'écologie. Beau programme, c'est donc en suivant les traces de Basalt que Disserens et Berger tentent de reproduire les expériences d'écoute qu'il a consignées par écrit, et je vous propose qu'on écoute le résultat de cette recherche. Deux extraits autour de Basalt, cette personne dont la vie et le destin nous restent encore à ce jour inconnus. Alors, belle histoire tout de même, on écoute ça, quelques enchaînements du travail de Disserens et Berger. quel plaisir de l'écoute de cette joyeuse faune ailée. Alors, dans un univers assez différent, cette fois, je vous propose un très beau projet de fil de recording de Brunhilde Ferrari. C'est la compagne complice de l'artiste sonore fort réputé Luc Ferrari. Intitulé Errant Ear, l'oreille errante, l'album de Brunhilde Ferrari se veut une autobiographie qui retrace la carrière de son compagnon et l'évolution de la création sonore et musicale depuis les débuts des années 60. À lire la documentation, on comprend que Brunhilde Ferrari a vu naître le célèbre groupe de recherche musicale, le GRM, en France, et par la même occasion, l'essor du field recording et des sonorités dites anecdotiques. Errant Ear rassemble donc des enregistrements allant des années 70 à nos jours. Tout ça enrichi des contributions de ses collègues musiciens Luke Fowler, Chris Watson et de son défunt mari, évidemment, Luc Ferrari. Brunhilde Ferrari raconte que c'est avec un sentiment d'errance et de flânerie, une perspective toute ferrarienne, je dirais, avec une joie teintée de chagrin qu'elle a capturée et réunie avec ses oreilles, ses yeux, son nez et toutes ses sensations, ces choses qui constituent, dit-elle, ma vie. Ces choses que je conserve comme des trésors. subi la préparation. Alors, pour clore la soirée, je vous offre cette fois un projet fascinant de captation sonore hors studio. Celui-là, inspiré par l'idée de produire du musical avec des fils électriques. C'est le projet de l'artiste sonore australien Alan Lamb, disparu en 2025. Comme le rapporte le journaliste Matthew Blackwell, l'idée de créer des instruments à partir de longs fils métalliques a connu des heures de gloire. Alvin Lucier a composé « Music on a Long Tin Wire », on était en 77. Helen Fullman a développé « Long String Instrument » en 1980. Or, le projet d'instrument sonore d'Alan Lamb, intitulé « Faraway Wind Organ », demeure, dit-on, unique en termes de gabarit, immense, je dirais, un projet constitué par 1 kilomètre de fil télégraphique, abandonné en Australie-Occidentale. Le modus operandi, ben, il est à la fois simple et complexe. Le vent souffle sur 6 fils dénudés, étendus sur 12 poteaux, comme s'il s'agissait d'une guitare géante. L'ensemble créant une myriade de sons que Lamb a pu enrichir de ses propres manipulations. Il enregistrait, dit-on, les effets de l'environnement sur les fils pendant des heures pour créer des compositions d'une beauté qualifiée d'austère, proche, je dirais pour ma part, des esthétiques industrielles. Alors, vous verrez tout ça. Je vous propose qu'on écoute un extrait du projet Night Passage qui rassemble des créations réalisées au milieu des années 80. On écoute ça. Eh bien, voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie des artistes Joshua Bonetta, Pablo Desirens, Ludwig Berger, Brunhilde Ferrari, Sid Frank, Alan Lamb, Marielle Roberts et Jacob Kierkegaard. Un grand merci aux artistes et collaborateurs, collaboratrices de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres que l'on retrouve sur de nombreuses plateformes et labels dont Persistence of Sound et Infrequent Seams. Cela dit, vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant pour une écoute quand ça vous tente. Alors voilà, restez des nôtres, c'est Mathieu Johnson qui s'amène avec son Rock Medium dès 22h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore. On termine la soirée sur des sonorités de Brunhilde Ferrari. Voilà! Depuis les studios de CKRL dans le quartier Limoilou à Québec, au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue. Se siento mi yendo, parece que me encanta la coda.